Avant ce temps que ça. C'est tant que ça, c'est tant que ça, c'est tant que ça, c'est tant que ça.